jamais regarder dans les rétroviseurs. Je veux vivre, vivre, vivre autrement. Je veux vivre, vivre à la Jersey. Je veux vivre, vivre, vivre autrement. Je veux vivre, vivre à la Jersey. Vivre, vivre, vivre autrement.